face au soleil rougi. Je savoure cet instant béni. Le blues du relais à la radio. Je n'entends plus les 27 chevaux. Es-tu prêt à vivre les vieilles histoires sur l'écran géant du vendredi soir? Es-tu prêt à croire les petites histoires dans le secret du vendredi soir? Un coup d'œil réflexe sur les hauteurs. L'usine a dû vendre son cœur. Qu'importe, les racines sont bien plantées. Personne ne pourra les arracher. Sûrement inquiet, un ticket à la...